de Silo Hint à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hint à Brezhoneck. On se retrouve pour l'émission Hint à Brezhoneck. Kentel, Pemkan, Anterkan, Nekese, Pemkan à Anterkan. 550. Pemkan à Anterkan ou Pemkan à Anterkan? Pemkan à Anterkan. C'est ça. 550. Henri, on commence par Gerhuarvué. On va voir quel mot aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un adjectif qu'on entend très souvent. C'est trenk. T-R-E-N-K. Alors c'est un adjectif qui veut dire aigre, acide. Alors il existe aussi en cornique, hein, dans la langue sœur du breton. Mais selon Albert Dehay, il est d'origine obscure. Et quand Albert Dehay dit que c'est d'origine obscure, ça l'est vraiment. Donc, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, c'est très utilisé. Alors, il y a le sens propre et le sens figuré, comme beaucoup d'adjectifs. Hein. Le sens propre, c'est aigre, acide. Hein. Par exemple, on va dire douartrenk, une terre acide. Alors, l'acidité se mesure par le pH, hein, potentiel hydrogène. Au-dessus de 7, c'est basique, et en dessous de 7, c'est acide. Donc, on fait des analyses de terre pour savoir si on a affaire à une terre acide, à une terre neutre. À 7, c'est la neutralité, ou basique. En Bretagne, c'est plutôt acide, quand même. En Bretagne, c'est plutôt acide, oui. En centre-Bretagne, c'est plutôt acide, puisque les roches-mères, qui sont le granit et le schiste, donnent des terres acides. Donc, on parle, quand c'est très acide, on parle de terre de bruyère, par exemple. Ou de tourbière, la terre de tourbe. Voilà. Alors, il y a des plantes hein, qui recherchent ce type de sol. Hein. Par exemple, les plantes de terre de bruyère, comme les camélias, par exemple, les rhododendrons, les bruyères. Hein. Voilà. Et alors, pour l'agriculture en général, c'est pas très favorable. Et donc, c'est pour ça qu'on a recherché des amendements calciques qui remontent le pH. Et pour la plupart des cultures, un pH de 6, 6,5 convient. Voilà. Donc, voilà. Alors, ce mot est très utilisé. Hein. Par exemple, ça caractérise tout ce qui est aigri, acide, aigre. Par exemple, gistrenk. Ah ouais. Gistrenk, c'est pas une qualité. Hein. Pas trop. Du cidre acide, tourné, quoi. Hein. Voilà. Tourné par la piqûre acétique, hein, donc c'est pratiquement devenu du vinaigre. D'ailleurs, c'est le principe, hein, pour faire du vinaigre, hein, on part d'une boisson alcoolique et on transforme en liquide acide. Voilà, gistrenk, guintrenk aussi, hein, le vin peut tourner aussi, hein, lestrenk, et pour le lait, hein, on le fait tourner pour faire du fromage, hein, tous les fromages au départ sont du lait tourné, hein, avec différentes méthodes. Avalotrenk, des pommes acides. Alors avalotrenk, c'est assez difficile, que celui qui n'en a jamais mangé, c'est assez difficile à définir. Ah, c'est affreux. Ça dépend, c'est... Ça fait que saliver. C'est particulier, quoi. Et d'ailleurs, c'est plutôt des... On les appelle aussi des pommes à deux fins. Des pommes qu'on peut manger ou transformer en jus de pomme, par exemple. Je t'entendais l'autre jour parler de ça, justement, à Plougonvert, là. Avec Cyril Maclaire. Oui. Les différents types de pommes. Hein, quand on fait du cidre, on essaie d'avoir un mélange équilibré entre les pommes amères, les pommes douces et les pommes acides. Et même des pommes qui sont très mauvaises à croquer sont parfois indispensables pour faire du bon cidre. Oui, voilà. En particulier des pommes très amères, par exemple, qui amènent du tanin. Voilà. Alors, il y a des verbes qui correspondent à trinque. Hein. Trinquant, c'est devenir aigre, devenir acide. Et trinquat, c'est faire devenir aigre, faire devenir acide. Par exemple, on dira, ah, mais là, ça peut avoir un sens figuré ou un sens propre. Trinque der Suppen. La soupe est tournée, quoi. D'accord. Alors, j'imagine le sens figuré. Alors, le sens figuré, c'est entre deux personnes, par exemple, ou deux groupes de personnes. Hein. Le torchon brûle, quoi. Le torchon brûle, voilà. Trinque der Suppen, Treffen Scheiern. Hein. Ou entre des partis politiques, ou enfin... C'est assez utilisé, hein, sous cette forme-là, quoi. Hein. Alors, le goût particulier d'acide, hein, Blastrink, ou Hunterdrink, hein, ou Blasentrank aussi. Hein. On peut avoir le goût de l'acide ou l'odeur de l'acide, Wiesentrank. Voilà. Alors, on a fait, à partir de là, on a fait le mot acide, hein. Trinken, qui veut dire l'acide, un acide, au sens chimique du terme. L'autre jour, je lisais dans l'IA, par exemple, un article sur Trinken désoxyribonucléel. D'accord. L'ADN, c'est TDN en breton, quoi. Mais avec l'article, ça donne un D, puisqu'on dit un Trinken, un acide, qui est le support de l'hérédité, quoi. Trinkidiges, l'acidité, hein. On peut dire un Trinkadur aussi. Trinkadur, non, c'est Trinkadur, puisque c'est un mot masculin. Trinkentes, l'acidité aussi. Enfin, il y a différents néologismes. Trinkdet, c'est l'aigreur. Hein. Voilà. Alors, Trinkadur, je l'ai dit. Didrinkant, c'est désacidifié. C'est-à-dire, on dit, en chimie, on dit neutraliser. Oui. C'est-à-dire faire revenir au pH 7. Voilà. Didrinkant. Bon. Ben, même on tombe trop, war erger, trink. Hein. Voilà. On passe à la seconde partie. Brezonek, tombe à tombe. Raison Nectar Matam avec aujourd'hui, comme d'habitude, un petit tour à Zantolek où Chanik, la fille de la radio, promène son micro pour savoir un peu ce qui va se passer. C'est ça, Henri, en fait. Oui, en fait, là, c'est après le repas des anciens qui a lieu tous les ans au mois d'octobre à Zantolek. Donc Chanik est allé voir Louis, le président du club des anciens, pour parler de ce repas des anciens près de Régoz. Salut Louis, ma de jeu. De ce que te glaime, Chanik. L'arrêt d'Inta, Louis. Clévet meuse et wan des halles, près d'Arégos, basanto, luc. Ya, guiré, orvege blanc, vegrezé, gandor lub, emgle va quarante. Ag, zikou redompé, gandor barous. Basanto, luc, vegret. Ya, evel juste, batifonge penquat, vegret, vegreder pretz, amilardar vetre wandol. Debet matpus. Il fait ya vat. Au bonheur d'Igorcal, on nous obéit de Tiantan, grand bouée de marmous. À vos bonheurs, zou, ben Waller. À Waller, ou à langue de bœuf. Grande bonnet d'où tout ce. À Goros, les Veltus, Waller. À Zaladen, à Fourmache. À Gontom Cunyamand, grand arrafé. Bouetskan, ben Arfin. On n'aurait que fait, un chandic. N'est que mes dovés, je blanc. À plus j'adure, zobéte. En fait, yavat. vel kiz akustum, kan oen ouz obed a zon erez, ton ur roz, ton ur hafe, treuzen gol, akordeonz, harmonika, ya, tout d'un dut oa kontan, ne oa ket trist un dut. On va reprendre ce dialogue phrase à phrase, Henri. Entre Chanik et Louille, salut Louille, ma de jeu. Bonjour Louille, ça va? Est-ce que t'as glem, Chanik? Y a pas à se plaindre, Chanik. Il y a quelqu'un qui dit ça aussi souvent. Oui. L'arrêt d'in ta Louille. Dites-moi donc Louille, hein? Clévet meuse et one dl, près d'Arégos, basantoloc. J'ai entendu qu'il y avait l'autre jour le repas près d'Arégos, hein, le repas des vieux, littéralement, hein. Près de, c'est un repas, hein, un repas en général, hein. Alors, selon les repas, ils ont des noms différents, mais près d'un, c'est un repas en général. Basantoloc, azantoloc. Il y a Aguirre. Hervé Charblat, Végrette, Gonard Club, Plija dur à 40. Oui, on le fait une fois par an avec le club Plija dur à 40. C'est le nom du club des anciens azantoloc. Asikouret, on bête, on parous. Et nous sommes aidés par la commune. Alors, le mot commune, en breton, on dit urbarous comme la paroisse. Hein. Voilà. C'est un nom féminin, c'est pour ça qu'il y a un B, urbarous. Bazantoloc, Végret. Ça se fait à Zantoloc. Il y avait juste bâti Fanchpenquat et Végret d'Arprit. Oui, chez Fanchpenquat, on fait le repas. Ah, mais l'ardeur vertra au Arndol. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des choses sur la table. Des bêtes matpus. Vous avez bien mangé. Ah, fait yavat. Ah, vraiment, oui. Très bien. Un bon ordigor calon, wadagenta. Oui, un petit apéritif pour commencer. Gant bouet marmous. Oui, avec des amuse-gueules. Bouet marmous, hein, littéralement, de la nourriture pour singes. Des cacahuètes, quoi. Oui, des cacahuètes, oui. A garbon en soupe en warler. Et une soupe après, hein, un peu de soupe après. À langue de bœuf, gant bonnet d'où tout sec. Et alors, oui, le mot langue de bœuf est devenu un mot à part entière, quoi. Là, ça s'écrit, ça se prononce comme un seul mot, hein, langue de bœuf. On pourrait dire « tio dijena » en breton si on voulait, mais en fait, les gens disent « langue de bœuf » en français, dans le breton. Hager ros vais juste voir l'air. Et après, le rôti, bien entendu. Saladen, fromage, hagen tom... Salade, le fromage. Hagen tom quignamande, gant ar rafé. Et un peu de quignamande avec le café. Bouetskan, ben ar fin. De la nourriture légère, finalement, qu'elle dit, Chanik. Rik et fen, Chanik. Ne vous moquez pas, Chanik, il la vous voit, hein, comme on fait par ici. Nekeme d'Hervé Charblat. Oui, ce n'est qu'une fois par an. A plijadur, Zobet. Et il y a eu du plaisir, de la joie. Ah, ya, velkis a custum. Oui, comme toujours, bien sûr. Quand a nous Zobet. Il y a eu des chansons. A zonerez. Et de la musique. Ton arros, ton arrafé. Ton arros, ton arrafé. Netra ne blichtin mi, velorban arcafé. Treujeune gaul. Clarinette. Accordéon. Accordéon. Harmonica. Harmonica, c'est pareil. Ah, ya, ne voit qu'est triste en dut. Les gens n'étaient pas tristes. On en reste là pour Brezonek tant matin, mais on passe à Petra Zoneve Arvro maintenant. Thank you. très au Nevers-Vro. Kalz a draouz au Nevers-Vro evel just gwerveez diouzan. Krogomp de diantan evel kiz a kustum gant eo labour douar hag ur vue e war ar mez. Tremenet e bremañ gwell mitiel. Vev e plab a no ar nugen de zembis gwen golao evel just. Ur e goz eo lare, oale ar gwell mitiel, eo un diskar amzer. Setu om ni bremañ ben diskar amzer, a ba miz her e pelar en mat. Krog eo ar pizmor de gwell hag histin de gwell, a blam eo kalz de se, a zo kalz e pizmor hag histin de gwell de se gwell. A prestit eo vo eo houlz eus er eo maïs, a deus velant vo maïs ker blam eo, kalz e blasao. Videla bourdouar e poezustri priz en trao, pe guir veg Alice kalz e gudet nou gant se. Priz e mor zo eo war drao, pa do c'hoc ad oed war gwer, me bremañ e ed adar e war drao. Hag nevek gwar a pesa mod vo kont benefin, ka pris o reiz el vipe o kargou zaver yon mor. A pris el ez, hak nak a kaz war gwer, hag ous koud e pris en amant zo kresk kalz, pe dur e ed ter gwej mur vid o oa daou lasso. War dachen labour dou ar oaz, kalz eo dabu de zo ur mar emañ gant ur glifosat. Ur glifosat zo ur poezon e ijin gant ur stal Monsanto vid lar an eoiot. Hag bon Hervé Klevet vo divenet implijen ur glifosat men o blan pe daoul pe tribl avec gwaret just. Pe dur ar tout de ministre n'en ket du Nicolas Hulot nez lars kler oa en eb d'ar mi glifosat met ministre labour douar ne l'arc zé, hag ministre tientan ne l'arc ma meus mod, bon, setu, ne kougoa ne ke zur pez vo gret. Pe oan un komz deus Nicolas Hulot, justement, ne vek kle eo kalz eo drouz ur mar eman gant ner borz i tront varia lan eier. Nicolas Hulot neus l'ar eo oa en de ner borz, met aze ma meus mod, ministre del zo e du. C'est une cobra n'est que bra goutte pe sa mot de vocon. Tu de skian zo labour a doarze de ze vec clevet. Mais n'a qu'un trop qu'al zo a roc. War da chen ur politike res vraiment. N'eus ke gwal belzo war votadek evit kamper egoz. Kamper egoz e ar senat. Bon, zo bet votadegou evit ur senat kamper egoz. Hag, bon, un trao, breiz ne oa ket met, ne oa ket vot met ba bor bihan, a ba bro naonet. Hag, ne ket chanch kalz un trao benefin, man chom met, kasi war vel loin. Hag, Joël Labbé, de ze mor bihan, eus gal ad mire di gador, pez ne oa ket anat. Vi chom moan tam war, vi don an tam war la bordou ar oaz, meus an koyed lard oa bet, neus ket gwal belzo a konkour braz vid de yezek, bal en bal, hag ar oa begwell kalz e diezek, deus e vro. Vi komz d'un tamm deus un ekonomi, ez e stal a pro boa, bar o stren, neus igor e neve so, e stal neve, war nentier grist, hag aze vo get gran en kwat, d'ober tan, gran en zeu veran, selti kwat. A zezo mat, vid o vro, evel just, hein. Gant o nam breger eus sors, ba, Barostren. Ne veso, vejen amz ur gontan d'ar deus un main gran, put ur zezo an dra bouez vid breiz, hag ne veso, oa begred o nem vo de, tout de stal yo ra verz min gran ba vro, a ze oa begred ba karnoet, put ur enan zo telven oa ba traunen ur zend, gazo on tamm o l'air, l'air ve gwell et tout de men grain ve in plije de breiz. Gant, puis komz vraiment on tamm de ze ve venadur, hein. Gant un distro skol, ta un distro, et vi tout de strolad ou ara kente du brezon, hein. Hag, kalz strolad ou ara vraiment kente du brezon, hein, breiz, ou ar gros kan a perugen strolad mezan, rakenteli ou brezondeg, az pentri mil den, zo tiski brezondeg no mod penel. Hag videreio ang zo spen ugen mil, Otiski Brezonek Baskolajo. Végenom zor gomtant arrivé de ce kartaïa de Brezonek, anus que gual belzo a bezinet karta gand strolat parezio gwen gand pempoul, azo pis strolat parejo. Hein. Alors j'ai payé 3 ans, vel velard de se. A 800 de mots de ce zine de gartaz. C'est tu vous grette tant mot trop vidéo braison au bavro. Puis comme vous en de ce braison dans vos comme vous avez déjà de ce redad que vous bamis mais évident braison neuf. Mon d'oreilleur blanc, mon de ce qu'un père de bouguerne, zéra 1050 kilomètres, pas ou à reine, mais rien distroyé au vos grette. Ag, bon, j'en j'ai le rendre vos. On devra voir, droit, de redad que blanc moras. Nevesso, et Béro, de Gand Patrick Malrieux, trop roux, gen Herminic, Galak Vellars, écolier de l'Hermine, de Bévardin, hein, zo, ne labour de vide en Brezonek. Trop roux, gen Herminic, Véro, a dit, de, au Vige Blanc, de Tude, ne labour de vide en Brezonek. Vide en Brezonek, a que Zévena, dur Drevras. De Dianton, ou à Marie Riwal, zo, plar, ne labour de vide, Hel, Rio, Keltik, Louis Elguat, azo, Kelener hag Historo, on escrive Lever Yawar Histor Brace, Alan Le Noir, on den an eus labour de vidas tum trou, trou adro de bro Loudiak, trou kornet, trou kontet, hag Joël Auvin, hez o hondet tientor nono, Nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, mais nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, Francis Favreau, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, nous sommes très sadés, war yes galiandek le gaulois in galang hein. Ag et celticisme les gaulois et nous Francis Favreau ne se laboure calse dur ne se grade or pèse guerrière dur bras hein, ne se laboure pas très grand de la warneille war non pèler une mode ag was un diel ou tram de ba yarkabé à l'art et moi laboure à was war Alors, guerrier du roi d'Internet. Bon. Ne ce que quoi le belzo, moi, comme je tarde déjà de se dévise ou glot, une gala que vela des journées du patrimoine, à que blanc me roisse, zobé disque cal, je drau d'un dut, indiqué mère d'un dut, on tombe pébler, bavro, à que traune, véroi de velet, da square chapel, le zandror, ba, plomb de quintin, à que hendel roisse, un tigar plus grand vent. Ag, bon, zézo mod, hein, peut dire, ma trezen peus clève de, comme de zun tigar, plus grand vers ba RKB, peut dire, zo bel on abord, hein. Et hendel, ne ce que gual belzo, oas, puis on compte de chapelle, y oa de zor glat, m'en bé digour, et chapelle zantouarne, zo ba boulevriac, zo bé de, radne vise de, ne ce que gual belzo. Hag evit e chui, ba melion de gomant blanc noroaz kizelan, hag zo kizeler yann o laborat. Bon, c'est un tamm de spesone vebro. Goura oa don un tamm budu, mais j'on j'a rans clair me voez o aler. Merci Eric, kenavo. Kenavo, Morgane.